Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Alors, la politique à cette époque reculée n'est pas qu'une affaire d'hommes. Comme nous l'avons vu avec Brunehaut, Frédégonde, Nantilde, les femmes peuvent jouer un rôle très important pour le meilleur comme pour le pire. Le règne de l'humble et pieux Clovis II sera ainsi illuminé par une présence féminine hors du commun, celle de Berthilde. Sa vie est un mystère, du moins à ses débuts. Les chroniqueurs tenteront de comprendre comment une personne d'une origine si humble, si obscure, ait pu devenir une reine aussi prestigieuse. À l'époque où la jeune Berthilde arrive en France, le royaume franc entretient d'excellentes relations avec le royaume du Kent, gouverné par une famille danoise, originaire du Jutland. La raison ? C'est que ce premier royaume barbare, c'est le premier royaume barbare de Grande-Bretagne, à s'être déclaré officiellement chrétien. La forte présence de Bretons christianisés et l'étroite relation entretenue depuis les débuts de ce jeune royaume avec le Regnum Francorum, c'est-à-dire à partir de la fin du 5e siècle, y est sûrement pour quelque chose. Les rois du Kent ont l'ambition de convertir toute l'île de Grande-Bretagne par une conquête territoriale déterminante sur leurs voisins saxons et angles. Les royaumes de Sussex et de Wessex. Ils reçoivent dans cette entreprise l'aide des Francs. Clotaire II donnera sa fille Emma en mariage au roi du Kent au début du 7e siècle. Des délégations d'ambassadeurs ad hoc sont envoyées régulièrement entre les deux royaumes auxquels Archambault, ayant, avant d'être maire du palais, a dû participer. Donc Archambault, on s'en rappelle, c'est Erchinoald, c'est le maire du palais de Neustrie, qui devient ensuite le maire du palais de Neustrie et de Burgondie, après la mort de ce fameux Flavade. Alors, donc c'est une version... On prétend donc qu'Archambault aurait participé à ces délégations diplomatiques envoyées dans le royaume du Kent, à l'époque de Clotaire II. Et là, il aurait acheté, alors peut-être pas à l'époque de Clotaire II, mais plutôt à l'époque de Dagobert, et là, il aurait acheté une jeune esclave dans le Kent. Ça, c'est peut-être une version un peu plus tardive, puisque cette légende selon laquelle il aurait acheté cette jeune esclave dans le royaume du Kent, parce qu'il ne pouvait pas l'acheter dans le royaume franc, et anachronique, puisque à l'époque donc de Dagobert et aussi à l'époque de Clovis II, du moins au début de son règne, eh bien, il y a des marchés aux esclaves dans tout le royaume franc, plutôt dans les ports en général. Mais en tout cas, il y a bien des marchés aux esclaves parce qu'il y a des grands propriétaires d'esclaves dans le sud de la France, notamment en Aquitaine, en Auvergne, où il y a des gallo-romains qui ont de grandes propriétés terriennes. Et donc, ils ont besoin de beaucoup d'esclaves. Alors, Berthilde arrive enfant dans la maison d'Archambault, achetée comme esclave, et elle sera affectée à son service personnel. L'auteur de Vita, version A, c'est-à-dire le premier hagiographe de Berthilde, qui écrit peu après sa mort, affirme que parmi ses missions, elle devait servir un verre d'eau au maire du palais le soir dans sa chambre. Bon, même si cette mission a de quoi surprendre, et quand on sait la beauté de Berthilde, non sans risque pour elle, il est peu probable que cela ait été plus loin qu'un verre d'eau. Peut-être aussi quelques paroles échangées, une caresse attendrie sur la joue, mais ce petit rituel va rester incrusté dans la mémoire d'Archambault, et lorsqu'il va perdre sa femme, il demandera la main de Berthilde. Face à cet homme influent qu'elle a appris à apprécier, Berthilde va préférer se cacher pour ne réapparaître qu'une fois le maire du palais marié à nouveau. En 649, Archambault présente Berthilde à Clovis. Il a bien compris que Berthilde ne voulait pas de lui. Il le met assez stratège et décide de présenter Berthilde à Clovis II en des termes semblables. Cette jeune femme M'a très bien servi, elle vous servira très bien, sire. J'ai veillé à son éducation, je pense qu'elle pourra être une bonne conseillère. Où donc l'avez-vous trouvé ? Demande le roi sceptique, quoique tenté. Il l'a aperçu dans les couloirs du palais. Je l'ai acheté à des pirates sur un marché aux esclaves de Nantes, aurait-il répondu, selon certaines versions. Mais selon d'autres versions, le roi du Kent me l'a offerte comme cadeau lors d'une visite diplomatique. Je l'ai ramenée enfant, j'ai pris soin d'elle comme ma propre fille. Je lui ai donné un précepteur. Elle a un port de reine, continue le roi, de plus en plus séduit. Sire, bien que très secrète sur ses origines familiales, je lui prête volontiers une ascendance royale, saxonne, du Sussex ou du Wessex. Elle avait été prise comme butin de guerre par notre allié, le roi du Kent, lors d'une de ses expéditions contre ses voisins. Elle est donc païenne ? Interroge le roi légèrement dégrisé. Non, je l'ai faite baptiser et elle a reçu une instruction chrétienne. Un beau butin de guerre, continue le roi songeur. Aux yeux couleur d'agate et ses cheveux d'or qui cerclent ses oreilles délicates et ce front couronné de la foi. Affranchissez-la, si ce n'est déjà fait, et je lui trouverai une place au palais. En 652, il l'épouse. Ce petit dialogue tente de combler les lacunes de ces deux hagiographes. La Vita A, écrit quelques années après sa mort en odeur de sainteté dans l'abbaye aux femmes de Chelles, vers 680-690, et la Vita B, une autre hagiographie carolingienne écrite au 8e siècle et dont le but est de faire de cette reine une ancêtre spirituelle de la dynastie carolingienne. Son prestige ne cessera de grandir sous les Carolingiens. L'abbaye de Chelles, que Berthilde a fondée peu de temps avant de quitter la régence, vers 660, aura comme mère abbesse presque exclusivement des princesses carolingiennes. Et l'abbaye de Corbie, fondée toujours par Berthilde pour les hommes, recueillera aussi de nombreux princes carolingiens attirés par le lieu en raison du rayonnement de sa fondatrice. Mais on sait très peu de choses d'elle. Il est certain qu'elle est d'origine saxonne. Non des Saxons d'Allemagne, mais des Saxons de Grande-Bretagne. Elle est plus âgée que le roi, Clovis II, de quelques années. Et ses hagiographes prétendent qu'elle aurait influencé le Concile national de Chalon-sur-Saône, qui s'est tenu de 650 à 653 à Chalon-sur-Saône, mais c'est probable. À cette époque, elle est accaparée par les devoirs de la maternité, puisqu'elle met au monde en 652 le futur Clotaire III, en 655 le futur Childéric II, et en 657 le futur Thierry III. Est-ce que l'allaitement est confié à une nourrice ou relève de la mère ? Difficile à savoir, en tout cas l'allaitement dure en général 3 ans, dans l'espoir vague peut-être d'espacer les naissances. Vu les dates de naissance respectives, il semble que les reines mérovingiennes allaitent elles-mêmes, contrairement aux gallo-romaines. Par contre, il est notoire qu'elle ait influencé la législation à l'époque où elle était régente, puisqu'elle approuve elle-même les lois du royaume avec l'anneau sigillaire que lui a légué son mari à sa mort en 657. Preuve que Clovis II a une entière confiance dans sa femme. Si elle n'a pas pu influencer le concile de Chalon de 650 à 653, elle l'a lu et même s'est sentie pleinement investie du devoir de mettre en œuvre les décisions du concile, notamment le canon 9 défendant la vente d'esclaves chrétiens à des étrangers ou à des juifs, et le canon 16 contre la pratique simoniaque d'acheter sa charge d'évêque, de prêtre ou de diacre. Plusieurs lois du royaume sont inspirées directement par elle, illégalité des achats d'esclaves dans tout le Regnum Francorum, avec une période de transition pour les grands propriétaires terriens gallo-romains très présents en Aquitaine, libération immédiate des captifs venus de l'étranger et proposés à la vente sur le sol français, interdiction de la vente d'enfants, non prise en compte du nombre d'enfants par foyer pour fixer le taux d'imposition afin d'éviter les infanticides, et systématisation du rachat d'esclaves. Beaucoup de ces mesures sont adoptées dans les conciles nationaux et provinciaux, mises en œuvre au sein des diocèses, mais il faut une vraie volonté politique pour qu'elles soient mises en œuvre dans le Regnum Francorum et appliquées par les autorités civiles à tous les échelons du pouvoir. C'est ce qui se passe à l'époque de Berthilde. Son nom apparaît encore dans les textes officiels jusqu'en 664, avant qu'elle ne choisisse de se retirer dans son abbaye de Chelles sur les bords de la Marne. Merci et à bientôt, et nous allons poursuivre sur le règne de Clovis II et sur la personnalité de Clovis II lui-même dans le prochain podcast.